je suis sauvé par le sang de Jésus. Alléluia. Yahweh, bana la colonne de feu, babelelio. Ce qui au sungi te nzambe, nani mousso avoui kosunga, Père éternel. Pas si elegi Yahweh, nous sengi moli monayo, et sunga biso fouet de tolon.